Mosaïque. Bonjour, bonsoir, chers auditrices, auditeurs de la radio-télévision Isanganiro, vous qui suivez l'émission Mosaïque. Dans cette émission Mosaïque d'aujourd'hui, nous parlons encore des élections prochaines du 5 juin 2025. Nous nous focalisons sur le contenu des projets de société des candidats aux élections législatives et communales. C'est au moment où la campagne de propagande électorale a été lancée à Gitega par le président de la République en date du 9 mai 2025, laquelle propagande démarre ce 13 mai et durera 3 semaines pour prendre fin le 2 juin 2025, donc à 2 jours des élections des députés et des conseillers communaux du 5 juin 2025. C'est alors une période cruciale pour les Burundais d'élire leurs dirigeants, mais pour bien élire ses représentants, la population doit pouvoir bien discerner leur projet de société. C'est donc une bonne occasion pour les candidats en compétition de présenter leurs projets électoraux pour un bon avenir des électeurs. Dans Mosaïque, nous allons donner la parole aux différents acteurs politiques en lice dans la course électorale pour que ces derniers disent en quoi ils seront utiles aux électeurs afin que ces derniers puissent les élire. C'est aussi une occasion pour ces compétiteurs électoraux de dire comment ils pourront mettre en œuvre ces projets de société. Ici, dans cette émission Mosaïque, nous prenons notre engagement à toujours donner un espace d'expression plus ou moins égal aux différents acteurs politiques en compétition pour des élections du 5 juin 2025 selon leur disponibilité et le calendrier électoral en cours. Pour échanger à ce sujet, nous avons aujourd'hui 4 invités sur le plateau. Olivier Nkurunziza, président du parti Prona, bonjour et bienvenue dans Mosaïque. Bonjour et merci pour l'invitation. Je salue mes collègues ici à qui on va partager l'émission mais aussi les téléspectateurs, les auditeurs de la radio-télévision Isanganiro. Phénias Nigaba, vice-président du parti Sawanye Frodebu, mais aussi membre de la coalition Burundi Bwabose, vous aussi bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour, merci de l'invitation. Je salue tous les téléspectateurs. Francis Rohero, président du parti FP Ineza, bonjour et bienvenue. Merci, c'est avec plaisir que je viens dans l'émission. Nous avons également Aloïse Barichako, président du parti Ranak, bonjour et bienvenue dans ce débat Mosaïque. Bonjour à vous, aux auditeurs et aux collègues avec qui nous allons partager justement cette émission. Vous suivez l'émission Mosaïque sur Isanganiro. À la cabine du côté radio et des images côté télévision, je suis respectivement avec Alphonse Kubimana et Innocent Wibonimana. Médard Niyonguru est à la réalisation de cette émission et à l'animation, vous êtes avec Leondas Kirombo. Oh, bonjour et bienvenue à tous. Mosaïque. Entrons dans le vif du sujet. Olivier Nkurunziza, vous êtes président du parti Iprona, un parti qui a été aux commandes de plusieurs années. Est-ce vraiment normal de vous demander aujourd'hui votre projet de société? Oui, c'est normal parce que le programme politique, et bien sûr le projet de société peut même dire qu'en rentable, mais le programme politique, il faut toujours l'améliorer. À chaque fois qu'il y a les élections législatives ou présidentielles, au niveau du parti Prona, dans notre projet de société, bien sûr, aujourd'hui, qu'on a mis dans le programme politique, il figure toujours l'unité nationale. Sans qu'il y ait l'unité des Burundais, alors les députés qui seront élus dans le Parlement, qu'ils soient dans l'Assemblée nationale ou dans le Sénat, il faut qu'effectivement, continue à veiller à ce que l'unité des Burundais soit une réalité dans la diversité ethnique, politique, religieuse, mais aussi toutes les tendances. C'est la raison pour laquelle nous pensons qu'on va valoriser effectivement le Conseil national d'unité nationale qui se trouve dans l'accord d'Arusha et qui devrait opérer. Et aujourd'hui, le Conseil national, j'ai eu la chance de diriger ça pendant 2 mois. J'ai trouvé qu'il est phagocyté par la présidence, c'est lui qui donne le budget, on te donne ou pas. Il faut quand même que cette condition d'opérationnel de Conseil national soit amélioré. Les députés devraient quand même essayer de voir comment ils doivent voter une loi qui donne la force au Conseil national d'unité nationale. Mais aussi, dans l'accord d'Arusha, c'est un accord politique qui a aidé, qui donne le mode de mettre en application ce que les Burundais ont vu que c'est très nécessaire pour qu'effectivement cette unité, la diversité politique, mais aussi la bonne gouvernance, il y a tous ces conseils qui sont là, ce sont prescrits dans l'accord d'Arusha, mais aussi les groupes européens qui ont arrêté les guerres, les signatures de cessez-le-feu, les accords de cessez-le-feu sont fait partie intégrante de l'accord d'Arusha. Il faut que tout cela ne soit pas jeté dans l'oubliette. Il faut que toujours ça soit valorisé. Alors il faut l'évaluation de la mise en application, mais aussi dans la constitution de la République du Burundi, il faut tenir compte de toutes. Par exemple, dans l'Assemblée nationale, il ne faut pas voter les voix 51 à majorité absolue, mais plutôt à 2/3 pour permettre consensus. Consensus de tous les partis prenantes, pas seulement partis majoritaires, mais aussi d'autres partis qui sont là, devraient avoir au lieu. Mais aussi la démocratie, pluralisme politique, il faut aussi que les droits de l'homme soient une réalité, la transparence dans les élections. Et là, c'est que l'Assemblée qui vote le code électoral doit voter vraiment code consensuel qui n'est pas décrié par tout le monde. Quand nous parlons de la justice saine, effectivement, il faut qu'il y ait des lois, bien sûr, qui doivent appliquer et qui doivent absolument être votées par l'Assemblée nationale, le Sénat, mais aussi le Conseil communal. Dans la démocratie, il faut qu'à la base, dans le Conseil communal, les administratifs de la base veillent à la démocratie, parce que nous voyons que les chefs des collines et les quoi bloquent la démocratie à la base. C'est eux, à chaque fois, quand nous faisons les réunions avec le ministre de l'Intérieur, nous décrions toujours qui est le responsable à la base. Alors il faut qu'effectivement le parti prenant, une fois élu à la base, valorise la démocratie, qu'il n'y ait plus ce genre de jeunes qui violent les droits de l'homme. Alors c'est le rôle du conseil communal, c'est le rôle de l'administrateur communal, mais aussi au niveau des réfugiés. Vous avez encore 12 secondes. Alors les réfugiés, côté réfugiés, il faut qu'il y ait le rapatriement des réfugiés, il faut que l'Assemblée nationale et le Sénat essayent d'aider le gouvernement pour que tous les réfugiés, qu'ils soient externes et internes, soient rapatriés. Il faut voter une loi pour que tous les villages, les cités de déplacés soient les villages de paix. Et que tous les Burundais soient là, au lieu de dire qu'ils doivent retourner dans les collines après 30 ans. Il faut transformer ces villages. Nous allons y revenir après. Maintenant, la parole est à Phineas Nigaba, du Frodeum, mais aussi de la coalition Burundi Bwose. Quel est votre projet de société que vous allez présenter aux citoyens burundais, mais aussi à vos électeurs? Merci de la question. Mais au niveau de notre coalition Burundi Bwose, nous allons présenter un programme politique. Parce que le projet de société, c'est pour le long terme. Et pour les 5 à venir, nous avons un programme politique que nous allons présenter à la population. D'abord, notre programme politique s'articule dans 3 domaines. Le domaine politique, le domaine économique et le domaine social. Mais il y a des piliers que nous avons considérés dans ces domaines-là. Au niveau, le premier pilier, c'est le renforcement de la bonne gouvernance. Le deuxième pilier, c'est la sécurité alimentaire. Troisième pilier, c'est la réduction du chômage. Et quatrième pilier, c'est la sécurité sanitaire. Et enfin, le cinquième pilier, c'est la promotion de l'éducation de qualité. Je souligne l'éducation de qualité. Alors, je vais revenir un peu au niveau politique, au niveau de la coalition Burundi Bwose. Nous aimerions que, lorsqu'on aura des députés au niveau de l'Assemblée nationale, il faudra plaider, il faudra faire tout à ce qu'on ait des partis politiques véritables, qui sont forts pour renforcer la démocratie. En deuxième lieu, il faudra voir comment créer un environnement propice qui peut permettre aux différents réfugiés politiques de rentrer librement, parce que nous avons besoin de leur force, nous avons besoin de leur contribution pour développer le pays. Alors il faut voir comment libérer les prisonniers politiques. Il faut que les prisonniers politiques soient relâchés, soient libérés, afin qu'ils viennent contribuer au développement du pays. En plus, il faut voir comment, au niveau de la coalition Burundi Bwose, on doit tout faire pour qu'on initie une loi sur la presse, parce que nous voyons qu'au niveau de la presse, vous aussi, vous avez beaucoup de problèmes. Il faut qu'il y ait une loi qui vous permette d'être libre, parce que nous avons besoin des informations, mais il y a des informations sur lesquelles vous ne touchez pas. Alors on va tout faire pour qu'on puisse réviser la loi sur la presse. Alors il faut qu'il y ait une justice pour tous. Actuellement, la justice travaille très mal parce qu'elle n'est pas libre, parce qu'il y a la confusion des trois pouvoirs. Il n'y a pas de séparation. Le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif sont confondus dans l'exécutif seulement. C'est l'exécutif qui commande tout. Ça, c'est très dangereux. Alors, si la justice n'est pas libre, vous voyez les conséquences. La population n'a pas une justice qu'elle veut. En plus, les organisations de la société civile, il faut qu'au Burundi, il y ait vraiment dans ce domaine-là des organisations de la société civile qui plaident, qui essaient d'être à côté du pouvoir exécutif. Chaque fois, pour la plupart des fois, c'est pour conseiller. Mais il faut qu'il y ait de vrais conseillers. En plus, au niveau politique, il faut voir comment assainir les relations diplomatiques. Parce que nous voyons que ces derniers jours, les relations ne sont pas du tout bonnes. Et ça nous a causé beaucoup de problèmes au niveau politique, au niveau économique, au niveau social. Voilà au niveau politique. Maintenant, peut-être je vais revenir au niveau économique après. Nous allons effectivement revenir pour voir comment mettre en œuvre tous ces changements. Francis Rohero, président du parti FPI Neza. Quel est votre projet de société pour les Burundais et vos électeurs en particulier? Merci. Notre projet de société a été conçu en sorte que les gens comprennent du début jusqu'à la fin ce qui est possible à faire, comment ça se fait. Ainsi, il est composé de 5 principes. Le premier, c'est la vision d'abord, parce que la FPI, c'est un nouveau parti politique qui vient de faire 1 an et demi seulement d'existence. Un parti qui est venu à la suite d'un programme politique, un projet de société qui avait été conçu par le candidat indépendant des élections de 2020. Donc c'est aujourd'hui une communion dans l'ensemble de Burundais qui ont besoin d'abord de partager une même vision, une vision d'un Burundi prospère, ambitieux et paisible, un Burundi qu'on pourrait avoir dans le long terme, toute une image d'un pays merveilleux qu'on est en train de s'imaginer. Le deuxième principe, c'est un manifeste qui signifie aujourd'hui l'état des lieux, ce qu'on constate dans le pays pour qu'on puisse comprendre pourquoi et comment on pourrait arriver à cette vision. L'état des lieux aujourd'hui, c'est ce que tout le monde dit, ce n'est plus comme à l'époque pour dire qu'il y a des ennemis qui sont tels, le problème sont les Tutsis ou sont les Hutus, le problème c'est qui, aujourd'hui le problème c'est l'incapacité de notre nation à s'élever. C'est l'incapacité d'avoir des autorités qui ont une conscience et une intelligence suffisante pour pouvoir donner à chaque Burundais selon ses besoins. Le troisième principe, c'est l'enseignement. L'enseignement qu'on doit donner à chaque Burundais pour dire ce qu'on veut avoir, on ne l'aura pas du jour au lendemain. Il faut qu'on s'éduque, il faut qu'on ait une éducation, une culture qui nous amène à arriver à cette conviction, à cette vision qu'on est en train de chercher. Et quatrièmement, c'est l'engagement que doit faire l'homme politique. Et celui qui adhère, comment il doit s'engager? Parce qu'il faudrait qu'on quitte cette imagination que tout Burundais qui porte une casquette devienne homme politique. Jusqu'à ce qu'on aille même jusqu'à la colline, afin de donner une casquette à quelqu'un qui n'a même plus ses facultés, juste parce qu'on le voit dans la rue en train de courir derrière un parti politique. Donc il faut qu'il y ait une équipe de gens qui s'engagent publiquement, qui se disent « nous sommes prêts à aller, peu importe, contre vents et marées, on peut arriver à notre conviction ». De suite. Le cinquième principe, ce sont les décisions de campagne. C'est généralement ce que vous nous dites, est-ce que vous allez faire quoi? Qu'est-ce que vous allez promettre? Ainsi, en rappelant au peuple burundais, ce sont des élections régionales, ce sont des élections législatives et communales. On ne peut pas dire aux gens qu'on va venir tel que la constitution burundaise est conçue, tel que les choses sont organisées et tel que les gens doivent le savoir. Nous sommes dans un régime présidentiel à outrance. Ce n'est pas, comme il a dit Fenias, ce n'est pas les autres institutions qui vont venir immédiatement débattre de ces questions en face du pouvoir exécutif. Ainsi, nous voulons que les gens comprennent quel est l'engagement que nous amenons. Quelle est la possibilité à pouvoir dresser aujourd'hui des autorités qui ont des valeurs rondies telles que Ubuntu, Ubushingane, Ubugabo, des gens qui ne vont plus se taire en face des abominations qu'on est en train d'assister dans notre pays. De prime abord, c'est ça qui est l'introduction de ce qu'on est en train de faire. Et peut-être après, on ira dans le fond pour voir voilà, ce qu'on merci, imagine. Merci de respecter le temps imparti à chaque candidat ou à chaque invité ici présent. Aloïse Baïchako, du président du parti RANAC. Et c'est la même question pour vous. Et quel est votre projet de société que vous allez présenter au peuple burundais, à vos électeurs? Bon, on ne va pas présenter le projet de société parce qu'un projet de société, c'est un texte qui est trop long, mais aussi qui, pour une longue durée. Mm-hmm. Notre projet société s'inspire de notre vision, notre idéologie qui est la social-démocratie, mm-hmm. dont l'objectif principal est de réduire le clivage social. Mm-hmm. Et au Burundi, vous voyez que maintenant nous avons deux classes sociales qui se dessinent vraiment, où nous avons un petit nombre d'individus qui est trop riche, avec une grande masse de la population qui croupit dans la misère. Donc, notre objectif, c'est de réduire considérablement ce clivage social qui s'observe aujourd'hui. Alors, nous allons y arriver comment ? C'est pas possible, c'est un peu difficile parce que les élections que nous allons faire, qui sont organisées pour moi, sont des élections législatives et communales, où nous allons voir des institutions, une assemblée qui est là, mm-hmm. avec un gouvernement qui est là. Donc, nous allons nous baser sur, pour peut-être un peu aider la population, sur notre vision, et nous avons notre façon de le faire, en passant par la science qui va nous guider dans les travaux de tous les jours. Notre geste sera un geste rationnel, mm-hmm. un geste qui a de quoi emporter, à amener dans le changement pour que justement la politique du pays soit dirigée. Et nous allons aussi renforcer la démocratie, une démocratie qui va être le socle de nos institutions pour embrasser finalement un développement durable que nous espérons pour relever notre pays. Et comment nous allons le faire au Parlement ? Nous allons justement pratiquer le rôle d'un parlementaire qui est celui du contrôle de l'action gouvernementale. Nous avons exercé notre force sur l'action gouvernementale, ce que le gouvernement fait au niveau du Parlement. Malheureusement, la constitution du Burundi limite, si vous voulez, les prérogatives des députés. Et notre constitution, nous allons demander à ce qu'elle soit changée pour que les articles qui, justement, défavorise un député puisse être supprimé. Nous allons aussi insister sur le budget. Le budget, c'est là où nous allons insister pour que, finalement, en voulant réduire le clivage social, si le budget est mal conçu, si on favorise le côté fonctionnement, là, on ne va pas y arriver. C'est pourquoi nous avons insisté à ce qu'il y ait investissement, justement, pour que finalement, toute la geste du pays puisse arriver à la population. Voilà, merci à vous également. Je retourne du côté de Olivier Nkurunziza, président de l'IPRONA, mais aussi honorable. Oui. Et est-ce que, bon, une fois que vous êtes au niveau du Parlement, les problèmes auxquels vous allez vous attaquer, sur lesquels ? Le parti IPRONA a bien détaillé, effectivement, c'est pas facile de le dire dans 2 minutes, dans 3 minutes ici, mais je vais essayer. Je vais continuer là où je me suis arrêté. Oui. Et au niveau de la diplomatie, nous pensons que, vous savez que quand le président nomme un diplomate et voté et passe par le Sénat pour voir, il faut qu'effectivement le Sénat veille à ce que ces personnes soient des hommes chevronnés en matière de la diplomatie, que ce ne soient pas des personnes quand il est une école primaire là-bas pour aller représenter le pays. Non, il faut que cette carrière de diplomates soit valorisé pour qu'effectivement le pays soit bien représenté, mais aussi il faut que au niveau de l'Assemblée, avant de fermer les frontières du pays, il faut que l'Assemblée décide. Ce ne sont pas seulement l'exécutif qui doit décider, parce que c'est eux qui doivent veiller sur effectivement l'intégration régionale. Nous avons vu qu'on ferme, qu'on ouvre. Il faut que l'Assemblée soit là, soit vigilante pour les intérêts de la population. Parce que là, l'Assemblée n'était pas visible. Je ne vois pas le rôle de l'Assemblée. Est-ce que l'Assemblée a été consultée, demandée? Je trouve que le ministre de l'Intérieur annonce le quoi. Mais il faut qu'elle... Et je n'ai même pas entendu l'Assemblée en train de poser cette question pour qu'effectivement cette question soit... Il faut qu'alors, au niveau aussi de la CVL, le parti Prona propose qu'on doit revoir la loi de la CVL pour qu'il y ait aussi les scientifiques, les hommes qui viennent d'ailleurs pour pouvoir aider les Burundis scientifiquement à réconcilier le Burundi. Et autre chose, pour terminer, comme on l'a dit, orientation du budget. C'est très important. Il faut que l'Assemblée, pour voter le budget, nous, dans l'agriculture, il faut qu'au moins 15% du budget de l'État soit orienté dans l'agriculture et l'élevage pour faire face aux sécurités alimentaires. Parce que nous avons problème de sécurité alimentaire. Aussi, il faut qu'il y ait le contrôle d'action gouvernementale pour lutter contre la corruption. Parce que l'Assemblée nationale peut jouer un grand rôle de lutte contre la corruption. Ce qu'on appelle les audits, il y a la commission d'audit qui est là. Ils peuvent suivre effectivement la somme allouée budgétisé dans tel ou tel autre ministère pour voir qu'effectivement ils ont travaillé comme ça a été demandé dans l'Assemblée ou dans le budget. Il faut que réellement les parlementaires jouent leur rôle de défendre les intérêts du pays, de la population et non de l'exécutif. Vous trouverez qu'un député dans une population, je viens de représenter le gouvernement ici. Tu ne représentes pas le gouvernement. Il y a l'exécutif qui est là, mais tu es là pour contrôler le gouvernement. Vous êtes là pour vous suivre et voir comment le gouvernement travaille réellement. Et c'est ça ce que je peux dire. Voilà, merci. Ça, c'est au niveau politique. Peut-être on va revenir dans d'autres domaines. On est Phénias Nigaba du côté de la coalition Burundi Bwabose. On s'imagine que bientôt vous serez au niveau du Parlement, je pense. N'ayez pas de doute. On sera là. Vous allez vous atteler là. Oui, on sera là. Seulement que vous allez apporter votre touche au niveau du Parlement. Qu'est-ce que vous allez faire? Normalement, d'abord, quelle est la mission d'un parlementaire, d'un député? Il a deux missions. D'abord, voter de bonnes lois. Bonnes lois. Deuxièmement, faire le contrôle de l'action gouvernementale. Ça, on le sait, tout le monde le sait. C'est pas évident. Est-ce qu'aujourd'hui, chaque député vraiment connaît sa mission? C'est même dommage qu'on disait que tout le monde. C'est ça qui est très dangereux. On est là, on est député, on ne connaît pas ta même mission. Même les députés ne savent pas leur mission. On voit ce qu'ils même font. Les partis ne le savent pas. On voit ce qu'ils font actuellement. Est-ce qu'ils font vraiment réellement le contrôle gouvernemental? Non, ils ne le font pas. Parce que chaque fois, il y a des ministres qui viennent là, ils disent, tout ce que vous allez faire, ça ne va pas nous empêcher d'avancer. Vous le dites parce que peut-être vous êtes dans l'opposition. Non. C'est ce qu'on voit sur les écrans. Ça se voit. Mais nous, on doit alors avoir une autre image. Au niveau de la Commission Burundi Bwabose, nous allons tout faire pour d'abord changer cette image, pour qu'un député puisse accomplir sa mission véritablement. Et concrètement, comment ça se passe? Effectivement. Donc, nous, au niveau de la Commission Burundi Bwabose, d'abord, tous ceux qui sont sur les listes sont déjà avertis. Ils ont une mission. Lorsqu'on va au Sénat à Kigobe, nous allons d'abord défendre les intérêts de la population, pas les intérêts de nous-mêmes. Mosaïque. Alors, chaque fois, dans les lois qu'on va voter, on doit chaque fois contrôler, voir si les intérêts de la population sont sauvegardés. Surtout les séances de questions orales. On va suivre de près, parce que c'est là où on fait le contrôle d'action gouvernementale. On sera obligé même d'influencer pour voter des motions de censure. Si on voit qu'un ministre vient et qu'il n'expose, ne donne pas de réponses convaincantes, nous allons vraiment faire une influence pour qu'il y ait une motion de censure. Si on est élu, nous avons un mandat national. Nous allons tout faire pour exercer ce mandat. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre au niveau de notre coalition? Puisque ici au Burundi, nous avons vu que la majorité de la population est dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage. Alors, nous allons focaliser une grande influence sur l'agriculture et l'élevage. Nous proposons 20% au niveau du budget. Il faut qu'il y ait 20% du budget dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage. Parce que nous voyons que si ce domaine n'est pas valorisé... C'est pas peu 20% sur... Non, un cinquième, ça va. L'agriculture fait vivre... Actuellement, c'est combien? C'est au niveau de 6%. Mm-hmm. Ah, voilà, au niveau de 6%. Alors, nous vous ouvrons météo au moins par 3. il faut y aller étape par étape. Ouais. Parce qu'on ne peut pas aller au dollar parce qu'il y a d'autres domaines qui ont besoin de l'argent. Actuellement, donc, les terres pour les agriculteurs, mm-hmm. ce sont les grands dignitaires qui ont pris cela. Mm-hmm. Nous allons tout faire tout pour que ces terres reviennent à la population. Mm-hmm. Parce que nous avons, dans les différents milieux, parce que nous, on connaît ces terres-là. Mm-hmm. Non, ils n'ont pas acheté. Mm-hmm. Non, on connaît. Ils ont pris ça comme ça. Ah, et vous oui. allez... Les, comme à Rogofar. Voilà, voilà. C'est très bien. Vous avez des informations. D'accord. Alors, on va faire tout pour que ces terres reviennent à la population mm-hmm. et que ces derniers puissent faire l'agriculture mm-hmm. convenablement. Merci, Fenias. Au niveau des minéraux, on sera très, très, très sévère. Hein. On mm-hmm. a vu que ces derniers temps, les minéraux sont vendus à l'extérieur du pays mm-hmm. et d'une façon frauduleuse mm-hmm. parce que c'est à l'extérieur du pays-là où on a, disons, un prix qui est un peu élevé. Mm-hmm. Nous allons d'abord fixer un prix qui est un peu élevé pour éviter qu'il y ait ces fraudes-là. Mm-hmm. Deuxièmement, on va fixer maintenant des mécanismes de contrôle très rigoureux pour que ces minéraux puissent contribuer au développement du pays. Voilà, merci Fenias. Au niveau de Francis Rohero, la même question, une fois élu, une fois au Parlement, comment vous allez amener votre touche pour changer les choses? D'abord, je rappelle que être élu au Parlement dans un régime présidentiel à outrance ne fait pas de vous nécessairement un décideur extrême. L'AFPI, c'est un parti de droite, un pays qui sait que tant qu'on ne peut pas investir, on ne peut pas résoudre des problèmes sociaux tels qu'on le voit. Le Burundi a fait des augmentations budgétaires seulement dans les 5 ans qui viennent de passer. On est passé de 2020 à un budget de 1 800 milliards, aujourd'hui à 5 200 milliards, mmh. ce qui signifie un gouvernement budgétivore et où malheureusement 70% de cet argent est consommé dans ce qu'on appelle le budget de fonctionnement, avec des investissements qui sont généralement moins de 30%, ce qui signifie que tout ce qu'on peut faire, on ne peut pas résoudre aucun problème tel qu'on est en train de le dire. Mm-hmm. Alors, notre objectif, c'est que avec le quatrième pilier, le quatrième principe de notre projet de société, nous avons envie, d'abord, que les Burundais soient conscients, prennent conscience de cette réalité mm-hmm. et qu'ils se disent qu'il faut élire des autorités, des députés qui ont une forte conscience, une forte abnégation à être un poids par rapport au pouvoir présidentiel. Je rappelle aussi que depuis les 4 ans passés, les 5 ans que nous venons de passer, le président de la République s'est souvent plaint du fait qu'il a dit en 2021 qu'il en avait marre de la justice burundaise. En 2022, il a dit qu'il était tout à fait contre ce qui se passait au ministère du Commerce, au ministère de l'Agriculture. En 2023, il a dit qu'il était contre de tout ce qui se passait au ministère de la Justice, où il a même dit lui-même qu'il allait faire ce travail à leur place. C'est-à-dire qu'on est en souffrance de l'autorité compétente. On est en souffrance de l'autorité qui a une possibilité de résoudre le problème. Donc pour nous, en lieu et place de promettre ce qu'on ne pourra pas avoir avec un mandat où le président de la République continue d'abord son service, nous promettons aux Burundais qu'il nous faut d'abord voter pour des députés qui ont une conscience de liberté en lieu et place d'être des membres des partis politiques. Il faut que les gens aient ce qu'on appelle un égoïsme de terroir, que les gens aiment leur milieu avant d'aimer un parti politique. Voilà ce qu'on est en train de faire. Et quand je dis que nous sommes un parti de droite, il faut que les gens aient une différence. Il ne faudrait pas qu'on continue à imaginer que le nombre ou la puissance des partis politiques vient répondre à une situation de peur. On ne sortira que de cette situation de peur que si on est capable d'investir de façon publique. Et ces investissements, nous, on les projette vers d'autres élections qui vont venir, parce que celle-ci, c'est ce qu'on appelle une élection paramétrique, une élection qui nous propulse vers un autre milieu. Ouais. Merci. Aloïse Balichako, présidente du RANAC, c'est la même question. Une fois au Parlement, une fois élu, qu'est-ce que vous allez apporter comme touche particulière à RANAC? Alors, je suis obligé de parler un peu des thèmes qui figurent dans notre programme politique. Mm-hmm. Et malheureusement, même si je vais en parler, ce ne sera pas possible parce que les élections qui sont là sont des... Tu es pessimiste jusque-là, donc les choses doivent changer absolument. Non, il faut vous rappeler que les députés vont être élus cette année, mais il y aura un président de la République qui a été élu en 2020, qui va continuer jusqu'en 2027. Les textes sont comme ça, mais maintenant je pense que nous allons battre campagne par l'apport au devoir d'un député. Parce que parler d'un programme politique, signifie que tu vas être élu pour les présidentielles. Nous avons des thèmes qui sont bien élaborés, surtout en matière agricole, élevage. On a les autres à nous parler. Nous, c'est 18% pour ce thème-là. Et l'éducation qui doit, où nous devons faire encore d'autres réformes, pour avoir une éducation de qualité, là, nous avons affecté là-bas 16% du budget. Et il y a la création de l'emploi parce qu'il y a le chômage. Il y a la santé aussi qu'il faut améliorer. Vous voyez qu'il y a des médecins qui partent. Il y a des infrastructures de santé qui ne remplissent pas les normes internationales. Il y a aussi la magistrature qui ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas de séparation de pouvoir bien visible au Burundi. Alors, on va parler de, si vous voyez, de l'énergie et mines. Au niveau des mines, Orana, que nous ne comprenons pas pourquoi on dit qu'il y a des fraudes au niveau des minerais, qu'il y a des minerais qui sont vendus d'une manière frauduleuse, non? Orana nous a proposé qu'on construise des clôtures dans tous les endroits où on exploite des mines. Et à ces clôtures-là, on va ériger un comptoir qui est contrôlé par la BRB parce que les minerais, c'est pour le Burundi. Et finalement, c'est la BRB qui va exporter ces minerais. Alors, juste le temps est parti. Non, ce n'est pas encore ouais. Parce que les autres ont parlé. Vraiment, non, laisse-moi au moins une minute et demie. D'accord. Alors, comme nous serons des parlementaires, nous allons insister pour que le budget de l'État soit vraiment constitué d'une manière à ce qu'on augmente le budget de fonctionnement au détriment, le prix de le budget d'investissement au détriment du budget de fonctionnement. Aussi, nous allons recommander qu'il y ait des mesures de restriction où nous allons arrêter l'importation des produits qui ne sont pas de première nécessité pour influencer et importer les produits plutôt de première nécessité. Mosaïque. Je rappelle que vous suivez l'émission Mosaïque. Et nous avons comme invité Olivier Nkurunziza, président du parti Prona, Phénias Nigaba, vice-président du parti Sawanya Frodebu, mais aussi membre de la coalition Burundi Bwabose, Francis Rohero, président du parti FPI Ineza, et Aloïse Barichako, président du RANAC. Je continue avec nos invités. Olivier Nkurunziza, président du Prona, au niveau des communales, vous serez là aussi. Nous avons l'habitude de voir les politiciens qui promettent des bons et merveilles. Mais concrètement, est-ce que vous avez pensé à ces gens de la base, au niveau communal, au niveau des zones, etc. Tout ce que nous sommes en train de voir, de dire, c'est ce que devrait effectivement aider la population à la base. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui le parti Prona va participer dans les élections communale mais aussi législative. Et au niveau des conseils communaux, le parti Prona a bien pensé parce que avec aujourd'hui, avec le redécoupage que le gouvernement a mis en place, nous devons suivre effectivement à partir de l'Assemblée qu'il y ait une vote des lois d'accompagnement pour qu'effectivement redécoupage soit effective, la décentralisation. Pour revenir à la base, la population burundaise a trop souffert aujourd'hui. La cherté de la vie, manque de produits de première nécessité ici en ville, on en a parlé, chaque province, le parti Prona a relevé effectivement des problèmes de base. Ce n'est pas les problèmes qui se trouvent à Muyinga, qui se trouvent à Boruli, mais dans les conseils communaux, c'est là où on va étudier. Ce sont des assemblées qui sont là, qui vont aider, mais ils ont même la chance de mettre en application le budget qu'ils vont voter pour lutter effectivement ce que nous voyons, la population dise, de voir qu'il y a un manque de fumier, qu'il y soit engrais chimiques, mais aussi qu'on trouve que les sociétés, je ne sais pas si c'est formé ou autre, qu'on leur demande de l'argent, alors que même le fumier de saison suivante, ils n'ont pas même reçu cela. Et vous voilà pour au niveau du parti Prona, il faut que le conseil communal, il faut que les administratifs de la base trouvent cette solution. Et aussi, il y a un problème de la démocratie à la base, je l'avais dit, il y a ces jeunes qui sèment la terreur. Ça devrait être là le conseil communal, mais aussi les administratifs de la base, c'est tous les on va même élire les chefs de colline qui devraient être là pour combattre effectivement afin que la démocratie soit une réalité à la base, parce que on maltraite la population à la base. Il faut alors que nos membres soient conscients de cela pour qu'effectivement il y ait une liberté. Comment vous allez procéder justement pour changer les choses, parce que il y a toujours Il y a des responsables qui doivent suivre la loi, qui doivent effectivement travailler non pas pour parti, qui ne soient pas seulement des militants d'un parti, mais de voir que la population burundaise, quand une fois élue, qui représente toute la population, pour que le bien-être de la population soit une réalité. C'est ça ce que nous sommes en train de conscientiser la population. Mais aussi dans le budget que l'État doit voter à partir de l'Assemblée nationale, il faut que même au Conseil communal, à partir des plans, les PCDC qui seront votés, soit vraiment le contenu qui reflète les besoins de la population à la base est réalisable. Mais aussi qu'ils vont... Les communaux doivent comprendre, doivent avoir un esprit de discernement, voir ici le problème. D'abord, doivent être des hommes compétents, de valeur, qui ont le droit... Qui ont un niveau d'études. Effectivement. Non pas des personnes non instruites. Alors, pour moi aussi, il faut qu'on va voter effectivement les chefs de zone qui ont des valeurs, qui vont défendre les zones. Sinon, on trouve que la commune ne peut pas se développer. Je vois que mes collègues sont en train d'auto-bousculer. Oui, je vois. C'est le temps qui devait nous bousculer. C'est le temps. Un instant, vous aussi, au niveau communal, c'est que vous allez changer les choses. Comment vous allez procéder là aussi? Vous posez cette question à la coalition Burundi Bwa Bose. Vous ne savez pas ce qui est arrivé sur la coalition Burundi Bwa Bose. Toutes les listes des conseils communaux ont été rejetées par la CENI. Donc, vous n'êtes pas au niveau du communal. On nous a exclu de cette course-là. On nous a exclu de pas cette course. Pas même dans une commune. Pas même dans une commune. Même les listes des députés, c'est la Cour constitutionnelle qui a dit tranche. La CENI a sorti un arrêté de 3 jours de grâce. Donc vous n'êtes pas jusqu'à là... maintenant, nous attendons. cet arrêté n'a pas été mis en application. Mosaïque. Vous voyez, on nous a exclus pour des raisons politiques. Mais puisque nous restons ici au Burundi, nous sommes des Burundais, nous sommes concernés. Nous allons prodiguer des conseils. Nous allons en savoir. Oui, les conseillers communaux, ce sont des députés locaux, doivent défendre les intérêts de la population, mais pas les intérêts du parti. Ce que nous voyons, la tendance... Vous allez observer tout simplement... Ce que nous voyons, la tendance, on aura des conseils communaux monocolores. C'est ce qui se voit. Vous allez vous dire, après les élections, nous allons revenir ici, vous allez voir. Alors, avec maintenant les conseils communaux monocolores, il serait très difficile de défendre les intérêts de toute la population. On va défendre les intérêts, je dirais, du parti. C'est ce qui est très dangereux. Mais au niveau de la Cour de Bawos, on conseille à ces futurs élus d'être vraiment très vigilants pour travailler pour l'intérêt de la population, ne pas pour l'intérêt de les partis politiques. Comme conseiller, sinon nous allons suivre, nous sommes dans le pays, on va toujours chaque fois donner des conseils si on voit des dérapages. Merci beaucoup, Fenias. Déjà, merci beaucoup pour vos apports et vos conseils. Francis Lohero, la même question au niveau des communales. Seulement que vous serez là, c'est pas comme Burundi Bwa Bose. C'est presque pareil. on avait présenté au total 26 communes. 4 seulement ont été acceptées. À Isare, à Ntahangwa, dans la province de Bujumbura, et Muyinga et Changuzo dans la province de Buhumuza. Je dirais, dans les mêmes conditions, il faut que les gens se rappellent. Dans les échéances précédentes, j'avais proposé ce genre de redécoupage administratif, qui malheureusement a été pris comme une question politique au lieu d'être... Ce découpage pose problème aujourd'hui. Je ne suis pas en train de dire cela. Donc c'est un découpage qui devrait avoir... une conscience économique, financière, pour favoriser la production. Aujourd'hui, ça tend à prendre une conscience plutôt politique, une conscience de phagocytose et de limitation de la représentativité. Alors, mon rôle aujourd'hui, c'est de rappeler dans le troisième principe, c'est au niveau des enseignements que nous sommes en train de donner. Des enseignements qu'on donne à tout vent, à tout celui qui veut les prendre, où nous rappelons aux gens, aux Burundais, qui se plaignent de l'absence de tout dans tous les domaines, pour leur dire « faites attention ». Ce n'est pas une question de parti politique, c'est une question de votre vie. Il faut que les gens ouvrent l'œil, qu'ils se posent des questions. Il y a des listes des partis politiques. Ces listes sont des listes qui ont été proposées par des partis. Mais généralement, ce sont des listes des gens du terroir, des gens qui ont vécu avec eux. Peu importe leurs ethnies, peu importe leur parti politique, il faut que les gens se disent... Nous souffrons et il faut qu'on sorte de cette souffrance. Il faut que les gens élèvent leur ambition à chercher au moins à se dire demain quand on aura besoin d'un brancard pour porter quelqu'un à l'hôpital. Demain quand on aura besoin de quelque chose, au moins de quelqu'un qui veille à vos cultures, à vos petites choses. Il faut que les gens arrivent à se dire on doit voter pour quelqu'un qui est bien, quelqu'un qu'on connaît. Et c'est pour cela que nous, dans la logique même de Fenias, on dit aux gens, soyez vigilants. Mosaïque. Ne venez plus pleurer demain après les élections, parce que dans les communes, ce sera encore plus grave. Les communes sont gigantesques aujourd'hui et il y a tendance à un favoritisme partisan au lieu d'une politique de communion, une politique de qui tend à résoudre les problèmes des individus à la base. Et c'est pour cela que nous disons, là où, dans les communes où nous serons, nous disons aux gens, regardez les individus, regardez ces personnes que vous aimez, qui au moins auront une parole au niveau de la commune. Là où on n'a pas de gens, on est en train de dire, veillez à ce que vous regardiez qui vous votez. Parce que... Tantôt, Olivier parlait des gens de grand calibre, donc les diplômes, c'est ce que vous allez changer Pas nécessairement. Le diplôme, c'est un fait technique. Il est bien d'avoir un diplôme quand vous avez une valeur au fond de vous. C'est peine perdue d'avoir un diplôme quand vous n'avez pas de valeur. Le diplôme, ça vient compléter les valeurs. Je suis né dans le quartier Rohero, dans la commune de Mukaza. Ma liste a été refusée. Juste pour un détail inutile, où on dit que la liste n'avait pas des gens qui sont ressortissants de Mouira. Ça se fait en réalité dans la composition du conseil communal. C'est pour des raisons politiques. C'est pour dire que, justement, des raisons politiques. Et c'est pour ça que je dis, là où je suis, ou même là où j'habite, dans la commune de Mugere, il faut que les gens fassent attention parce que ce n'est pas une question de politique à ce niveau. C'est une question de survie, une question de conviction de là où on est en train d'aller. Ce sera une école pour nous. Et dans ce de nos enseignements, on tient à ce que les gens aillent de l'avant au lieu de faire l'apologie des partis politiques. Merci beaucoup, Ranak, Aloïse et Bajako. La même question au niveau des communales, sûrement que vous serez là, je pense bien. Qu'est-ce que vous allez changer? Quelle est la tâche que vous allez amener? J'y serai pas si vous voulez, pas parce que pour deux raisons. D'abord, la première raison est que personnellement, quand on a amené les listes de ce qui va se faire dans le conseil communal, moi je suis un peu pragmatique. Quand nous sommes en partie de la science et que je vois qu'on a rangé des gens qui ne peuvent pas servir la commune, il y a là où j'ai dit non. C'est la première raison. Parce que si on m'amène une liste sur de 50 personnes, dans cette liste, il n'y a que peut-être un ou deux qui ont étudié. Ça ne vaut pas la peine. Je regrette. Il fallait être là plutôt pour compenser. Non. Moi, je suis un parti de la science. Oui. Je suis pragmatique, je suis logique avec moi-même. Là, je dis non, ça c'est la première raison. Et les communes où les listes étaient bonnes, les listes ont été rejetées. Alors, je regrette. Mais aujourd'hui, il faut savoir que la commune est une grande entité. Elle est décentralisée, là, une autonomie de gestion. Et la loi communale, telle qu'elle est libérée maintenant, il y a quelque chose qui... C'est bien, mais il y a des confusions. Parce qu'on qualifie le chef de zone, on lui donne un diplôme universitaire, mais au niveau de l'administrateur, on ne dit rien. Donc le niveau d'études pose problème aujourd'hui au niveau des communales. Oui, parce qu'on nous dit rien sur l'administrateur, c'est un problème. Pour vous, quel est le niveau qui s'appelle? L'administrateur veut être un universitaire. Alors je ne sais pas. Qui va participer pendant les délibérations du conseil communal pour peut-être éclairer, parce que le conseil communal a besoin d'être éclairé, parce qu'il n'est pas toujours là. Il doit être éclairé comme on éclaire le conseil d'administration dans les entreprises. Pour cette question, il faut se rappeler que l'administrateur, il devient dans l'exécutif. Et voilà. Le conseil communal, c'est le com assemblée. Il ne peut pas être dans l'exécutif. Voilà. C'est la raison pour laquelle il devrait démissionner. Voilà. C'est pour la précision. C'est pourquoi je demande qu'il y ait des textes qui accompagne des textes à commenter, qui sont bien rédigés pour justement lever ces équivoques. Merci, Aloïse Baïchako. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Olivier Nkurunziza, aujourd'hui, effectivement, vous avez parlé de vos projets de société, mais on se demande quel est le financement, qui va financer ces projets. Quand nous disons cela, le financement, le pays, vous savez comment le pays fonctionne. Il y a les taxes, il y a la population burundaise, comme tous les moyens, c'est une fois gagné les élections, nous sommes là pour contrôler effectivement l'action gouvernementale. D'abord, vous savez que le Burundi a beaucoup de moyens qui sont volatilisés effectivement dans l'entier comme ça par la corruption. Il y a la marvelisation économique qui sont là, il y a le non-respect des choses publiques. Alors tous ces moyens sont là pour effectivement aider les Burundais. Premièrement, c'est les moyens, le fonds des Burundais qui devrait être géré à bon père de famille pour aider les Burundais. Mais moyen, ce budget provient des taxes, des impôts, des contributions. Bien sûr, des contributions, effectivement. C'est la raison pour laquelle le parti Prona a vu qu'effectivement on peut avoir beaucoup de ressources sans toutefois faire rehausser les taxes parce qu'il y a beaucoup de secteurs où il n'y a pas de la perception des taxes d'une façon correcte. On est là pour effectivement mettre en place des économistes qui ont fait la macroéconomie pour penser comment le pays devrait effectivement augmenter ses ressources. On a dit les minéraux que nous avons, au lieu d'aider le Burundi, ça aide les groupes déjà. Alors, toutes ces ressources sont là, alors qu'ils doivent être canalisées effectivement au niveau des caisses du pays et d'être gérées d'une façon rationnelle. Vous ne risquez pas de demander beaucoup plus aux contribuables? Non. Quand tu es à l'Assemblée, j'avais oublié de le dire. Quand tu es en parlementaire, avant de voter le budget, il faut voir d'où vient ce budget. Ouais. Si ça vient contraindre la population, le faire du mal, il faut refuser, il ne faut pas voter. C'est d'ailleurs le rôle principal qu'on va faire. Il ne faut pas quand même qu'on va voter un budget au lieu d'aider la population burundaise qui va les contraindre de vivre une vie, la vie qui risque d'être insupportable. Voilà. C'est le rôle de l'Assemblée. Mais dans le domaine aussi de l'éducation, le parti Prona a dit la qualité de l'éducation. Là, au Burundi, quand on ne surveille pas de ce qui se passe aujourd'hui dans l'éducation nationale au Burundi, on risque, même si on est en train de dire qu'on a besoin des hommes qui ont des diplômes, on risquera d'avoir des diplômes, mais des hommes sans matière dans 20 secondes, qu'est-ce que vous avez fait au niveau de l'éducation? Au niveau de l'éducation, il faut d'abord revoir l'éducation, le système d'enseignement au Burundi. On change la matière à chaque année ou quoi. Il faut revoir. Okay. Parce qu'on risque. Autre chose que le parti Prona signale, au monde, c'est au Burundi où l'enseignement privé a une très grande valeur de qualité, puisque l'enseignement public au Burundi, c'est l'enseignement public qui devrait avoir grande qualité de valeur plus que d'autres. Merci beaucoup, merci Fenias. La provenance de financement. Oui, oui. D'abord, vous allez tirer d'où? Au niveau interne, au niveau local, ici au Burundi, il y a des impôts et taxes. Le BR est là pour collecter ces impôts et taxes, mais en tenant compte des conditions de vie de la population. Deuxièmement, il y a les partenaires techniques et financiers. S'il faut assainir les relations diplomatiques, et nous aurons maintenant, on peut avoir des aides, on peut avoir des dons. Ça peut contribuer maintenant à la mise en application de nos rêves. En plus, on va prendre même des dettes. On peut s'endetter, oui, pour l'intérêt du pays. Oui, oui, c'est ça en général. Pour nous, au niveau de la coalition Burundi-Babo, aussi au niveau de l'éducation, on va, après les élections, on propose d'abord les états généraux de l'éducation pour voir comment analyser tous les défis qui hantent ce secteur-là. Au niveau de la santé, il faut améliorer les conditions de vie de ces docteurs-là, parce que nous voyons que chaque fois, il y a des départs, des équipements modernes pour permettre à la population d'être soignée convenablement. Francis Rehero, autrefois vous étiez indépendant, maintenant vous êtes du parti FPI NESA. Les moyens vont provenir. Et vous comprendrez que ce sont des élections différentes. Aujourd'hui, le FPI, en allant dans les élections 2025, des élections paramétriques, on ne peut pas dire qu'on va financer notre budget, notre programme. C'est-à-dire qu'on va juste dans la logique de ce qu'on appelle une cohabitation. C'est-à-dire que si, par exemple, le FPI est élu majoritairement à l'Assemblée, on serait en cohabitation avec le président de la République. Et en sachant que le président aurait même la possibilité de démettre ce Parlement, nous y allons avec un profil accompagnateur pour juste essayer d'équilibrer le rôle politique de ce pays pour qu'il n'y ait pas d'embrasement. Sinon, à ce niveau tel qu'on le fait, nous, on sait qu'on ne va pas dans le cinquième principe, c'est-à-dire on n'a pas à promettre des projets, on ne promet pas des projets avec ce genre d'élection. On ne fait que les quatre premiers principes, c'est-à-dire la mobilisation du peuple burundais à la logique de notre vision. Et la deuxième chose, aller dans la logique de faire comprendre aux Burundais pour qu'il n'y ait pas éparpillement de la population à imaginer que le problème c'est les autres, comme on le fait régulièrement, ils l'ont dit, à dire que le problème ce sont les réfugiés, dire que le problème c'est ceux qui sont partis. Il faut qu'on sache que le problème c'est nous-mêmes, du moment où on n'est pas capable de permettre aux Burundais de produire. Ouais. Aller dans le troisième principe, l'enseignement qui doit primer dans tout ce qu'on fait, être de bons conseillers de tous les partis politiques, de tout le peuple burundais, et troisièmement, nous engager politiquement. C'est-à-dire, il n'y a pas à financer notre programme, il y a plutôt à le vivre et à permettre un sursaut vers une autre élection qui viendra par après, où les gens pourront comprendre que notre programme peut être financé du moment où il sera conducteur de cette nation. Espérons que vous allez Espérons toujours, on est à l'école. Dernièrement, c'était 40% des électeurs pour un indépendant, maintenant c'est... Au niveau de la circonscription, cette fois-ci... 2% au niveau du parti politique. Au niveau national. Donc c'est faisable. Ce n'est pas que c'est faisable, c'est une conviction qui doit primer. Oui. Vous savez que les élections dépendent toujours aussi de celui qui les fait. Et Aloïs Ibaïchako, la même question. Non, un parti qui conçoit un programme réaliste doit aussi prévoir prévenir les fonds de financement de son programme. Il y a les impôts et taxes, comme les autres l'ont dit, ça, il faut le savoir. Mais aussi, il faut dire qu'au Burundi, on ne paye pas d'impôts. Donc, vous allez appeler la population à payer beaucoup plus de taxes et d'impôts. Oui. Payer beaucoup. Oui, pas payer beaucoup. Payer mais beaucoup, payer non. Des impôts. Tenir compte des conditions de vie de cette population. Oui, voilà. Payer des impôts. Pour celui qui doit payer les impôts, il faut les payer. Mosaïque. Maintenant, il y a ceux qui ne payent pas les impôts qui devraient payer. Il y a des gens qui sont exonérés, gros, qui ne devraient pas être exonérés. Il y a des sociétés qui sont exonérées, qui ne devraient pas être exonérées. Deuxièmement, on va tirer de l'argent dans l'exploration de minerais parce que je vous ai dit qu'il n'y aura pas de fuite de minerais. Troisièmement, on va faire un tapage diplomatique. Oui, tapage, mais de parce qu'il n'y a pas de diplomatie. La diplomatie, maintenant, s'est endormie. Il faut la réveiller. Revaloriser les cultures industrielles à exporter pour que ça rentre les devises de l'argent. Voilà. Merci beaucoup. Nous sommes presque à la fin de l'émission. Une seule question, 30 secondes pour chacun. Êtes-vous prêt à accepter avec enthousiasme les résultats des urnes, Olivier? Bon, une fois que les élections se dérouleront dans la transparence totale, le parti Prona est toujours prêt à accepter les résultats des urnes. Mais c'est à cette condition. Ce n'est pas la première fois que le parti Prona n'a pas gagné les élections et qui a accepté. Peut-être il faut demander aux autres. Fenias Nigama, vous aussi la même question. Êtes-vous prêt à accepter les résultats des urnes? Nous sommes en train de suivre. Si les élections sont bien organisées, bien contrôlées, bien codées, si on va compter bien, disons, les voix, les résultats des urnes. Si on a les copies là qui sont claires, nous allons accepter. Mais si on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on va dénoncer. Francis Leiro. Je crois que quand on le dit en français, il y a une nuance. Il y a prendre acte et accepter. Quand les élections sont bien organisées, les gens prennent acte et acceptent. Mais quand les élections ne sont pas bien faites, on peut prendre acte parce qu'il ne faut pas détruire notre pays pour ça. Mais accepter, ce n'est pas ça le cas. C'est-à-dire qu'il y a une conviction et c'est ce que je veux que les gens comprennent. L'élection, elle n'est pas faite pour Olivier, pour Fenias, pour Francis, pour Barichako. Les élections, c'est une activité nationale. C'est une activité qui a comme motivation d'offrir à son pays un meilleur leadership. Il faut donc que les élections n'appartiennent plus au président des partis politiques, mais à la population. Ouais. J'ai envie que les militaires, les policiers, la population, les fonctionnaires, tous les acteurs de ce pays, comprennent qu'ils ont affaire avec les élections. Mmh. Là où ils vont voter, qu'ils s'investissent pour que cette élection soit une élection acceptée publiquement, pas une affaire d'une déclaration de qui que ce soit. Merci beaucoup. Aloïse Baïchako, la même question. Êtes-vous prêt à accepter avec enthousiasme les résultats des urnes? Si les résultats des urnes, que la CENI va proclamer, reflètent justement ce qui est sur les PV, pourquoi pas ne pas les accepter? Voilà, c'est sur vos contributions que nous mettons fin à cette émission Mosaïque d'aujourd'hui. Nous nous focalisons sur les révélations des projets de société par les candidats aux élections au profit de leurs électeurs, des citoyens burundais en général. L'émission a vu la participation de M. Olivier Nkurunziza, président du parti IPRONA. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Je pense que vous allez nous inviter pour la fois prochaine afin d'approfondir effectivement nos programmes politiques. Phineas Nigaba, vice-président du parti Sauvignon Fordéou, mais aussi membre de la coalition Burundi Bwabose. Merci à vous aussi de votre contribution. C'est moi qui vous remercie. Francis Rohiro, merci d'être venu et de vos contributions également. D'abord, nous disons merci à ce médium qui nous donne cette fenêtre de nous disponibiliser publiquement et nous disons à la population burundaise, allez aux élections, votez pour le numéro 6 de la FPI, on est toujours là pour vous servir. Voilà, c'est merci aussi à Aloïse Barichako, président du parti RANAC. Merci d'être venu et de participer dans ce débat mosaïque. Merci, merci. Du côté de radio et des images, du côté télévision, j'étais respectivement avec Alphonse Kubwimana et Innocent Wibonimana. Médar Niyankuru était à la réalisation de cette émission et à l'animation. Vous étiez avec Leondas Kirombo qui vous dit merci aux auditeurs et qui ont suivi cette émission. Bonne suite des programmes sur Isanganiro. Mosaïque.